concret comme de la roche déposée fragmentée dans une pièce, concret comme une tête de marbre aux côtés d'un corps décapité, incongruité de pierres cassées, déplacées, miroir noir de mon crâne séparé de mon corps lorsque je ne bouge pas, je ne fais rien.